Maïf. On me dit souvent, oui, il faut savoir lire entre les lignes. Bah, dans une poésie, ça se comprend. Mais l'autre jour, j'ai lu pour la première fois un contrat d'assurance. Ah bah, j'ai rien capté. Donc, imagine lire entre les lignes un texte auquel t'as rien compris. Du coup, moi, je me suis inscrite en fac de droit. Je commence demain. Allez, je vous tiens au jus. À la Maïf, pas besoin de devenir juriste pour être assuré. On vous propose spontanément les garanties auxquelles vous avez droit. Numéro 1 de la relation client depuis 20 ans. Maïf, assureur militant. Dans les conditions et limites du contrat. Lauréat assurance de 2004 à 2024. Enquête annuelle Bering Point Cantar réalisée auprès de 4000 personnes. France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la polémique autour des colonnes de Buren. Passage obligé des touristes en plein cœur de la capitale, à deux pas du musée du Louvre, le palais royal occupe une place à part dans la ville de Paris. Construit par Richelieu, investi par Louis XIV pendant la Fronde, développé durant la Régence par Philippe d'Orléans, célébré grâce au discours de Camille Desmoulins à la Révolution, se pencher sur ce lieu, y aller, s'est déroulé l'histoire de France. Pas moins, car ces évolutions architecturales successives témoignent du temps qui passe. En 1985, au cœur de cet ensemble, dans la cour d'honneur du Palais Royal, Daniel Buren érige une œuvre contemporaine intitulée « Les deux plateaux » sur une commande de l'État. Comme un symbole, le titre initial de cette œuvre est aujourd'hui plus connu sous le nom de « Colonne de Buren », témoignage de l'incroyable polémique qui a accompagné ce chantier et du rôle qu'a joué l'élément central du projet, ces fameuses colonnes rayées blanc et noir. La réalisation de cette œuvre moderne en plein cœur d'un site patrimonial et historique soulève un tollé national. Un intense débat esthétique gagne la France. On parle de seconde bataille d'Hernani, de nouvelles querelles des anciens et des modernes. Bataille artistique qui se transforme rapidement en lutte politique dans le contexte de la première cohabitation de l'histoire de la Ve République et en débat médiatique, 260 colonnes à la une. Sur cette histoire, cette passion française, nous reviendrons en seconde partie avec Nathalie Hennig, sociologue, spécialiste de l'art contemporain. Elle a étudié les réactions autour de la construction de l'œuvre de Buren, relatée dans son ouvrage « L'art contemporain exposé au rejet ». Elle vient de publier également « Le paradigme de l'art contemporain » chez Gallimard. Notre reporter Gaylor Van Wimersch, lui, s'est rendu dans la cour d'honneur du Palais Royal, en compagnie de Patrick Bouchain, l'architecte des deux plateaux de Daniel Buren. Vous entendrez son reportage. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attachée de production, Léa Dupouy-Henquin et Ida Bory, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Koyen Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Kevin Pelot, Charles Danet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 10 mai 1981, la France bascule. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, les Français élisent un président socialiste. La joie de la victoire gagne le peuple de gauche. Pour une majorité de Français, le changement c'est maintenant. La révolution par les urnes a enfin lieu. De son côté, le nouveau président, François Mitterrand, a promis de changer la vie jusqu'au jour où il changera d'avis. Ils nous ont tous fait le coup. François Hollande et son ennemi la finance, Jacques Chirac et la fracture sociale, entre autres. Mais concernant François Mitterrand, il est vrai que la culture, annoncée comme enfin importante, a effectivement une place essentielle dans son projet. Ce sont des faits incontestables, ils sont là, dans les constructions notamment. On peut difficilement nier l'existence d'un bâtiment ou d'une sculpture. Pour chapeauter cette grande entreprise culturelle, le président nomme Jack Lang au ministère dédié. Le jeune ministre, proche du maître, dont il est la voix, s'impose d'emblée par un style qui détonne et qui tontonne. Surtout, on lui donne les moyens de son action. Le budget de la culture est doublé et les grandes réformes sont mises en place. Une tornade souffle sur le domaine des arts. La réalisation des grands travaux à Paris est menée tambour battant, le Grand Louvre, l'Opéra Bastille, la Villette. On décentralise le théâtre qui bénéficie d'un immense appel d'air, mais dont il paye aujourd'hui la facture par une inflation de spectacles qui ne trouvent plus forcément leur public. Un déséquilibre entre l'offre et la demande, revers de la médaille. Mais sous l'impulsion de Jack Lang au début des années 80, là encore c'est une réalité. Les manifestations culturelles se multiplient, fêtes de la musique, du cinéma, journée du patrimoine. La France culturelle retrouve un deuxième souffle. Ce vaste mouvement s'accompagne d'une promotion des jeunes créateurs et artistes. On pense à Patrice Chéreau pour le théâtre, Rudolf Nureyev et Jean-Claude Galotta pour la danse, Pierre Soulages pour la peinture ou encore Jean Nouvel en architecture. En 1984, trois ans après l'arrivée de la gauche au pouvoir, Jack Lang insiste. il décide de moderniser le patrimoine historique français par la création contemporaine. De manière très pragmatique, il croise les fonds propres de chaque institution. L'État achète l'œuvre à l'artiste via le budget délégué aux arts plastiques, puis l'œuvre est construite et réalisée grâce au crédit des monuments historiques. Ingénieux, mais choquant pour l'opposition. C'est dans ce contexte que Jack Lang lance le réaménagement du Palais Royal, et le scandale est amorcé. 1er juillet 1985, Paris, rue de Valois, ministère de la Culture et de la Communication. À la fenêtre de son bureau, Jack Lang assiste amèrement au bal des voitures sur le parking de la cour d'honneur du Palais Royal. Autour de cette place centrale, le bâtiment historique de la ville de Paris accueille aussi le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Comédie française. Depuis qu'il est arrivé au ministère, Jack Lang a déjà lancé plusieurs commandes publiques pour réaménager les lieux. La sculpture de sphères de Paul Bury dans le péristyle et la restauration des jardins. Mais il reste ce parking affreux, a-t-on déjà vu un beau parking d'ailleurs, qui rompt toute l'harmonie de l'ensemble. Jack Lang souhaite placer au cœur de cet espace une œuvre contemporaine. Il se tourne alors vers Claude Mollard, président du Centre National des Arts Plastiques, pour passer commande auprès de différents artistes. Parmi ceux-là, on retrouve le nom de Daniel Buren. En 1985, voilà une vingtaine d'années qu'il s'est imposé comme une figure importante de la scène artistique contemporaine. À travers sa peinture et ses installations, il n'a de cesse d'interroger l'art pictural, de tendre vers un degré zéro de la peinture, comme il dit, même si on ne comprend pas tout. L'important, c'est la formule. Essayons tout de même. Son travail questionne le lieu, le problème de l'exposition et remet en cause le pouvoir des institutions artistiques. Pour ce faire, il crée le plus souvent en extérieur des installations éphémères, in situ. La plupart de ses œuvres s'appuient sur ce qu'il appelle un outil visuel, à savoir des bandes alternées d'une largeur toujours identique de 8,7 cm. Invité sur un plateau de télé, il explique sa démarche. C'est-à-dire que je pense que tout travail, disons artistique ou visuel, a un rapport direct avec qui le regarde. On pourrait presque dire que sans regardeur, le travail n'existe pas. Il est évident que si l'on travaille dans la rue, on a la chance, même sans savoir qui regarde, que plus de gens peuvent être intrigués par une certaine action, une certaine activité, que je mets très premièrement sur le plan visuel. Comment ça vous est venu cette idée d'utiliser des bandes? Comment est-ce que vous avez débuté? Alors, j'ai commencé il y a très longtemps, puisque ça fait presque 18 ans que j'utilise cet outil visuel à l'exclusion de quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que tous les travaux que je fais impliquent l'utilisation, d'une façon ou d'une autre, de bandes blanches et colorées, verticales, puisqu'elle se passe généralement sur des murs verticaux. Et le sens de cet outil est d'être suffisamment neutre pour pouvoir justement s'appliquer à différentes possibilités. Daniel Buren est averti de la commande pour le Palais Royal et il a déjà réfléchi à cet espace si particulier de la cour d'honneur. Heureusement, parce que tout s'enchaîne très vite. Le 8 juillet, il dévoile les grandes lignes de son projet à Claude Mollard et Jack Lang. Une note et quelques dessins présentent les deux plateaux. L'œuvre repose sur deux grands principes fondamentaux. Le premier consiste, je le cite, à ne pas ériger de sculpture au milieu de la cour d'honneur comme la tradition le voudrait, mais de révéler le sous-sol. Un langage typique de cet art qui est l'art contemporain à la fois avant-gardiste, espiègle, transgressif, mais élitiste, quoi qu'il en dise. Le deuxième plateau, lui, vise à respecter la composition architecturale du Palais Royal. Pour répondre à ces deux principes, un socle en verre recouvrira la place. Dessus, un quadrillage au sol reprendra l'alignement des colonnes de la galerie d'Orléans. Au centre de chacun des carrés du maillage, une colonne est fixée de forme polygonale. Au total, 260 colonnes de trois tailles différentes seront installées sur les 3000 mètres carrés de la cour d'honneur. Elles reprennent toutes les fameuses bandes verticales de Buren, alternance de marbre blanc et de marbre noir de 8,7 cm. Autour, trois tranchées seront creusées et dessineront un U parallèle aux trois côtés de la cour. Dans ces tranchées, les colonnes sont posées sur le sous-sol en pente et émergent donc à des hauteurs différentes. Au fond de ces tranchées, un filet d'eau, sorte de fontaine souterraine, s'écoulera. La nuit, les tranchées seront éclairées et dégageront une lumière bleue qui répondra aux diodes rouges et vertes qui s'allumeront en surface à chaque intersection du quadrillage. Alors on réalise une maquette. Et le 24 juillet, les différents projets sont finalement exposés à François Mitterrand. Les sculpteurs Guy de Rougemont et Pierre Paulin exposent ainsi leurs travaux. Les discussions sont longues, mais finalement, le président se tourne vers Jack Lang et lui dit « Il faut prendre le plus intelligent, n'est-ce pas ?» Il faut prendre Buren. Un ordre en forme de question. Le président apprécie hein, la relation avec le bâtiment initial, le lien au passé, le jeu de miroir et l'aspect symétrique de l'ensemble. C'est donc acté. Il faut maintenant aller vite. Jack Lang explique pourquoi et comment il s'y prend. Je savais que, choisissant ce projet, il fallait d'une part engager une course contre le temps, parce que la fin du gouvernement approchait, et je n'étais pas sûr que nous puissions être reconduits. Et par ailleurs, je savais bien que ce projet se heurterait à des levées de boucliers, à des résistances, à des protestations. Je me suis dit, le seul moyen de vaincre les obstacles, c'est de commencer les travaux en plein été. Et j'ai voulu mettre les uns les autres devant le fait accompli, je le confesse, sans détour. Il faut que les grands personnages qui utilisent cet endroit comme un parking privé ne puissent plus physiquement faire pénétrer leur voiture lorsqu'ils reviendront de vacances. L'équipe se constitue et Daniel Buren s'associe à l'architecte Patrick Bouchain pour la réalisation des travaux. Dès lors, un jeu de ping-pong se met en place entre les deux hommes. L'architecte ajuste le projet de l'artiste en fonction des contraintes. Et la première est de taille. Il faut abandonner l'idée de plaque de verre, trop compliquée vu l'étendue de la place. Daniel Buren choisit donc de recouvrir la cour d'asphalte, matière typique du sol parisien. Pour conserver l'idée de révélation du sous-sol, les trois tranchées seront recouvertes de gris métallique, comme pour les bouches du métro. Et c'est justement cette idée de tranchée, de révélation de l'intérieur de la ville qui permet d'enclencher le début des travaux. Ainsi, Patrick Bouchain prend comme prétexte la réfection des sous-sols pour démarrer la construction. La cour est dépavée et on creuse. Il faut aller vite, alors les équipes travaillent jour et nuit. En septembre, les hauts fonctionnaires rentrent de vacances et ne peuvent plus garer leur voiture. À la place, ils découvrent un trou de plusieurs mètres de profondeur. Le chantier est bel et bien installé. Sauf que les premiers couacs arrivent. Le plan secret commence à fuiter. Le 14 octobre 1985, le projet est présenté à la Commission supérieure des monuments historiques. Prévenue tardivement, elle se braque et avance l'argument de la protection du patrimoine. Le projet est rejeté à la majorité, qu'à cela ne tienne. Il en faut plus pour arrêter Jack Lang. La Commission des monuments historiques est respectable, elle est indispensable même. Je crois qu'il est utile qu'elle puisse, sur les dossiers importants, donner son sentiment. Elle est composée d'experts, de personnalités diverses, chargées de veiller à la préservation du patrimoine. Mais j'ai toujours pensé que lorsqu'un comité ou une commission de ce type donnait un avis, l'autorité responsable pouvait le suivre ou ne pas le suivre. Le plus souvent, j'ai suivi cet avis. Dans ce cas précis, je ne l'ai pas suivi. De leur côté, l'artiste et l'architecte font un choix déterminant dès la mise en place des travaux. Ils décident d'entourer en effet le chantier de palissade qui n'arrive qu'à hauteur du buste. Ainsi, le chantier est ouvert au regard du public. Ce parti pris initial finit par se retourner contre eux. Des voix commencent à s'élever, notamment dans la presse. Le 13 novembre 1985, le Figaro lance les hostilités et son titre en une s'adresse directement au ministre de la Culture. Au Palais Royal, dit ce titre, Jack Lang persiste et signe. Son auteur, Yvan Christ, critique sur quatre colonnes les méfaits de la politique culturelle socialiste. Les thèmes du scandale à venir sont posés. Le projet, une aberration pure. Il y dénonce le coût, la confrontation de l'œuvre moderne au classicisme de l'environnement et surtout, les méthodes du ministre, le secret, la précipitation, l'absence de consultation et d'information. Premier article d'une longue liste qui installe le scandale des colonnes de Buren alors qu'elles ne sont même pas encore posées. Mais c'est chose faite, début décembre. La panique commence alors à gagner le ministère. Les collaborateurs de Jack Lang disent leur inquiétude, les risques encourus avec ce projet. Et même le ministre commence à douter. L'architecte Patrick Bouchain raconte. J'arrive donc dans le bureau de Jack Lang. Et il me dit, non mais attendez, c'est pas possible, est-ce que vous avez vu la colonne qui vient d'être posée? Il me dit, mais attendez, venez voir de ma fenêtre ce que ça fait, quoi. Ce noir, ce blanc, et tout, c'est pas possible. Je dis, mais écoutez, moi, voilà, que les choses soient très claires entre nous, vous m'avez passé commande. Moi, quand on me passe commande et que le sujet m'intéresse, je le réalise. Le processus est enclenché, je ne peux pas arrêter la machine. Demain matin, je vous préviens tout de suite, là il y en a une, parce qu'on a fait un essai ce soir pour la régler, elle est juste dans l'angle en bas de chez vous. Demain matin, il y en a 10, après demain matin, il y en a 20, et dans la fin du mois de janvier, il y a les 350. Quoi. Non, mais il me dit, mais attendez, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, je sais pas, trouver un moyen de les vieillir artificiellement. Je ne vais pas vieillir artificiellement, de toute façon, le temps, on fera les choses. Et non, je lui dis, écoutez, si vous me tirez dessus comme ça en plein vol, c'est dramatique. Il me dit, ouais, vous avez raison, j'ai tort, continuez. Et à un moment donné, il m'a dit, bon, allez-y, mais mettez tout de suite en place un comité. Jack Lang choisit donc l'affrontement. Il est dans son droit, c'est le ministère de la Culture et donc l'État qui est propriétaire de la cour d'honneur du Palais Royal. Mais la bataille ne fait que commencer. Elle quittera bientôt le terrain esthétique pour devenir une affaire juridique et politique. Janvier 1986, tribunal administratif de Paris. Une requête en référé est déposée contre le ministère de la Culture. Les plaignants ? La Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. La plupart des membres de cette association sont des riverains de la place Royale. Ils demandent l'arrêt des travaux. La raison ? Aucune déclaration de travaux n'a été transmise à la mairie de Paris. Mais oui, c'est vrai. Dans la précipitation, le ministre de la Culture a omis consciemment ou inconsciemment de transmettre ce document. Les deux plateaux de Daniel Buren deviennent l'affaire des colonnes. Dans le même temps, elle prend une tournure politique, cette affaire. À la mairie de Paris, c'est une aubaine, pensez donc. Jacques Chirac, le maire de la capitale, leader de l'opposition, y voit l'occasion de mettre son grain de sable dans les rouages de l'action du gouvernement socialiste. À 2 mois des législatives, que demander de plus ? Ainsi, le 28 janvier, un procès-verbal de contravention est établi pour absence de déclaration de travaux et dès le lendemain, Jacques Chirac ordonne leur interruption immédiate. Au Conseil de Paris, on n'a pas de mots assez durs pour qualifier le projet. Françoise de Panafio, adjointe au maire en charge de la culture, parle même de terrorisme culturel. De son côté, Jack Lang ne se démonte pas. Il remet à Jacques Chirac le document manquant, et pendant ce temps, les travaux continuent. Le ministre se tourne vers le Conseil d'État, car la situation devient ubuesque tout de même. 50 membres de la prestigieuse institution ont signé la pétition contre les travaux qui se déroulent sous leurs fenêtres, donc ils sont à la fois jugés partis, et dire que l'œuvre est pratiquement terminée. Il ne reste qu'une semaine ou deux de travail. Mais le 24 février 1986, les poursuites judiciaires engagées par l'opposition sont actées et les travaux finalement interrompus. Face à cette décision, Daniel Buren monte au créneau dans les médias et pose les bases de sa défense à venir. Cette interruption, une fois de plus, est une chose qui est totalement catastrophique et je dirais même totalement intolérable en ce qui concerne même mon strict droit moral, puisque c'est comme si on entrait, je sais pas, dans mon atelier et que d'un seul coup, on se met à critiquer des œuvres non finies, des sculptures en cours de route et qu'on commence à les exposer et qu'on finisse par les juger telles quelles. Ce travail n'est pas fini, c'est une œuvre en cours de route et une fois de plus, on ne peut pas même en avoir la perception avant qu'elle soit terminée. À partir de l'interruption des travaux, le nombre d'articles consacrés au projet s'intensifie. Au cœur même des rédactions s'affrontent. D'abord, la bataille se déroule sur le terrain esthétique. Pierre Cabanne, dans Le Matin de Paris, dénonce l'absence d'intérêt de l'œuvre, sa surcharge, son inadéquation avec le lieu. Rapidement, le ton vire à l'ironie. Louis Powells, dans le Figaro Magazine, s'en prend au dieu personnel de Monsieur Buren, le zèbre, et le temple qu'il lui construit sur la place du Palais Royal. Oui, le zèbre, les rayures, pourquoi pas. En face, des journaux comme Libération soutiennent l'artiste, défendent la modernité, l'inventivité du projet, et soulignent son inscription harmonieuse dans le lieu. Le 24 février, le magazine Globe lance un appel à signature. Plusieurs intellectuels et artistes comme Philippe Solers, Jean Baudrillard ou Jacques Derrida apportent leur soutien à Daniel Buren. Tous n'avancent qu'un seul argument, le plus fort, le droit d'un artiste à achever son œuvre. En face aussi, on sollicite ces grands hommes, Claude Lévi-Strauss, Michel Tournier, André Castelot. Au sein de l'Association des Amis du Patrimoine, ils prennent position contre l'œuvre. Le débat dépasse largement l'opposition droite-gauche classique, mais les attaques se déplacent inévitablement vers le terrain politique. L'action de Jack Lang est mise en cause. Ses colonnes, ce fait du prince au pied même de son ministère, ne sont-ils pas le parfait exemple, voire la caricature des excès du gouvernement socialiste? Le chantier lui-même devient un lieu de débat autant qu'un terrain d'affrontement. Les palissades en bois sont un moyen d'expression tout trouvé. Opposants et défenseurs y inscrivent à coups de graffitis, de tags, de citations, leur mécontentement ou leur soutien. Alors tout y passe, de la moquerie à l'insulte raciste et antisémite à l'encontre de Daniel Buren, Buren Buchenwald, dehors, colonne socialiste juive, Jack l'éventreur, tu prends toute la place, Buren, art décadent, peut-on lire ou entendre? Face à ces exactions mentales, Claude Mollard, le délégué aux arts plastiques, n'hésite pas à envoyer sur place des étudiants pour expliquer l'œuvre, son fonctionnement. Pourquoi il faut la finir avant de la juger? Patrick Bouchain, l'architecte, dort parfois dans la cabane du chantier. Il surveille, car certaines personnes n'hésitent pas à s'y aventurer la nuit pour vandaliser l'œuvre à venir. Les chaînes de télévision et les radios dépêchent des journalistes pour recueillir les voix qui s'élèvent sur cette agora moderne. Monsieur, Buren a fait une erreur, une seule. Il aurait dû mettre des grandes palissades, on n'aurait rien vu. Et le jour où les gens auraient pu marcher dessus, ça aurait tout changé. Oh non, ils avaient qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Mais moi je comprends pas, pour faire des bits d'amarrage comme ça, on va pas amarrer des chalands, je ne comprends pas. L'œuvre de Daniel Buren est prise en otage par le contexte politique. Jacques Chirac bloque la reprise des travaux et le 14 mars 1986, comme prévu, la droite remporte les élections législatives. Majorité à l'Assemblée nationale et donc changement de gouvernement. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, la France s'aventure sur le territoire inexploré de la cohabitation. Jacques Chirac devient Premier ministre. Depuis la cour d'honneur du Palais Royal, on attend avec impatience le nom du successeur de Jack Lang, rue de Valois. L'heureux élu est François Léotard, secrétaire général du Parti Républicain. Il est pour la première fois ministre. Il briguait la défense, il hérite de la culture. Et surtout d'un dossier brûlant, les colonnes de Buren. Mieux vaut Léotard que jamais, se réjouissent les opposants au projet. Mais la décision du ministre se fait attendre. Il faut dire que la situation est délicate. Commencer son action au ministère de la Culture par la destruction d'une œuvre artistique, on a connu meilleur départ. On sent le ministre pris entre deux feux. Alors face à cette attitude incertaine, dans chaque camp, on consolide ses forces. Le 17 avril 1986 est une journée décisive. Deux conférences sont organisées. D'un côté, le comité de défense du Palais Royal qui se réunit à la mairie du 1er arrondissement. De l'autre, à quelques centaines de mètres plus loin, le groupe d'initiative pour l'œuvre de Daniel Buren se retrouve sur le chantier. L'artiste, en présence de son architecte Patrick Bouchain et de son avocat, prend la parole. Je tiens à remercier tout d'abord la revue Globe pour son soutien à mon travail et plus particulièrement ici aujourd'hui, la présence des personnalités qui ont bien voulu se déplacer parmi lesquels je reconnais Roland Castro, Pierre Estany, le groupe Indochine, Daniel Templon, Côme Mostaert, et je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas reconnus. Tenant compte par ailleurs du moment particulier qui est la désignation d'un nouveau gouvernement, et afin que cette initiative pour la défense du droit moral dû à tous les créateurs ne puisse être interprétée ou récupérée de façon fallacieuse, je demande aux personnes de bien vouloir comprendre que l'objectif unique de leur présence ici est de me permettre de terminer mon travail. L'impact et la médiatisation de ces deux conférences font mouche. La pression s'accroît sur le ministre de la Culture. Quelques jours plus tard, Daniel Buren et Patrick Bouchain tentent le tout pour le tout. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les colonnes de Buren. Notre invitée, c'est Nathalie Hennig, sociologue, spécialiste de l'art contemporain. Nous lui donnerons la parole dans quelques minutes. Le 26 avril 1986, à Grenoble, c'est jour d'inauguration du magasin. Oui, c'est un bâtiment qui s'appelle le magasin. Le bâtiment du 21e, du 19e siècle a été transformé en centre d'art contemporain. L'architecte de cette réhabilitation n'est autre que Patrick Bouchain, le premier artiste exposé, Daniel Buren, évidemment. François Léotard est attendu pour l'ouverture du lieu. Les deux hommes décident de profiter de l'occasion. Daniel Buren s'entretient donc en coulisses avec le ministre. Ce dernier lui assure de son soutien et de la réouverture prochaine des travaux au Palais Royal. De son côté, l'artiste ne se satisfait pas de ses promesses. Le 2 mai, il attaque en référé le ministre de la Culture au tribunal de grande instance. Trois jours plus tard, François Léotard annonce sa décision par un communiqué de presse. Les travaux reprendront. Daniel Buren a gagné. Seulement, interrogé dans les médias, François Léotard tient un discours, disons, en trompe-l'œil. J'ai souhaité que l'œuvre puisse être jugée une fois terminée. Elle ne peut pas être jugée quand elle n'est pas terminée. Et l'artiste a raison de le dire. Il faut qu'elle soit terminée. Et en plus, elle suppose que les gens passent au milieu, c'est-à-dire circulent au milieu des colonnes. Alors, voilà la décision qui est prise. Elle n'est pas destinée à être remise en cause, c'est évident. Simplement, je rappelle que la décision a été prise par mon prédécesseur, que moi, je n'aurais pas pris la même décision, et que je souhaite qu'à l'avenir, on fasse très attention à la protection des monuments historiques aussi anciens que la cour du Palais Royal. La polémique qui a eu lieu à ce sujet me semble une bonne polémique. Il y a toujours eu une polémique autour de l'art, et notamment de l'art dans la rue, de l'art vivant, de l'art au milieu des gens. Je considère pour ma part que cette polémique est féconde, elle permet de réfléchir sur l'art. Mais je n'aurais pas fait cela à cet endroit-là. Je n'aurais pas demandé à cet artiste, que j'estime beaucoup, de faire cette réalisation à cet endroit-là, qui est un endroit très particulier, qui est en lui-même déjà un décor. Simplement, en cette affaire, l'argent de l'État a été dépensé, la décision prise par l'État, elle a été prise, quels que soient les titulaires du pouvoir, et il appartient au ministre, quel qu'il soit, de protéger le droit qu'a un artiste de voir son œuvre, une fois qu'elle a été commandée, achevée. Ça, ce droit-là, je le protégerai. Bref, une affaire sensible, mais saine, ça arrive. Le ministre cherche en fait à sauver les meubles face à son électorat. L'œuvre sera malgré tout finalisée. Les travaux reprennent et le 30 juillet 1986, la cour d'honneur du Palais Royal est ouverte au public. Chose incroyable, les deux plateaux de Daniel Buren ne sont pas inaugurés. Les palissades sont juste retirées et le public invité à investir les lieux. Au départ, personne n'ose entrer comme retenu par le poids de la polémique et du scandale. Et puis, tout de même, petit à petit, la place se remplit. Les visiteurs réalisent qu'ils peuvent monter sur les colonnes, se promener sur ces 3000 mètres carrés rendus aux Parisiens. Du centre de la place, le spectacle est incroyable. On redécouvre l'ensemble du Palais Royal. La magie opère. Cet espace reprend toute son harmonie. Finalement, le temps fait son œuvre apaisante. L'œuvre est adoptée par l'ensemble des Parisiens jusqu'à devenir un haut lieu de flânerie et de déambulation. Les enfants jouent entre les colonnes, les amoureux s'y donnent rendez-vous, les touristes se prennent en photo. L'espoir de Buren se réalise. Ces colonnes deviennent le socle de statues vivantes. 10 ans après son ouverture au public, les deux plateaux sont classés monuments historiques, magnifiques pieds de nez du contemporain au classicisme des conservateurs. Sauf qu'au fil des ans, l'œuvre se dégrade, comme si on ne voulait pas la voir. Elle est laissée à l'abandon, ni entretenue, ni restaurée. On assiste à sa dégradation, la fontaine tombe en panne, on ne la répare pas. Les luminaires sont arrachés, on ne les remplace pas. Daniel Buren constate avec effroi la lente destruction de son œuvre. En 20 ans, les ministres changent. Rue de Valois, l'artiste leur adresse de nombreux courriers, rien n'y fait. Pas de réponse. Daniel Buren décide donc de passer à l'offensive. Dernier coup de théâtre dans l'incroyable histoire des colonnes du Palais Royal. En 2007, 20 ans après la première polémique, l'artiste déclare dans un entretien qu'il s'agit de vandalisme d'État. Et l'expression fait bouche. De nouveau, la machine médiatique s'emballe. Alors Christine Albanel, la ministre de la Culture du gouvernement Fillon, prend l'initiative de la restauration. Elle débloque des fonds et le chantier est lancé. 2 ans après, les deux plateaux retrouvent une seconde jeunesse. L'occupant de la rue de Valois a encore changé. Cette fois, c'est Frédéric Mitterrand qui est donc chargé de l'inauguration de l'œuvre, car cette fois, il y aura bien une inauguration officielle. Avec le recul du temps qui permet de remettre en perspective l'écume des polémiques, force est de constater que les colonnes de Buren ont bien conquis leur place, une place de choix, je dirais presque une place royale dans l'espace et l'imaginaire public. D'un Mitterrand à l'autre, et c'est peut-être leur seul point commun, la réalisation de Daniel Buren, les deux plateaux, a donc traversé le temps pour s'imposer comme une œuvre majeure de ces 30 dernières années. Une œuvre qui bouscule, interroge, mais surtout confronte l'art contemporain à la ville, et ça, c'est une question royale. J'abandonnerai la pose, le masque. Une minute, tu sais, le temps passe. Dis-moi que tu m'aimes. Sur la place, c'est pas tout à fait Montréal, mais y a de la neige au Palais Royal. Dis-moi que si même. Tu hésites encore, regarde le décor. Le soir descend et nos regards s'éclairent. L'hiver très tôt allume ses lumières et les jardins. Toi, mon cœur battait au ralenti, à faire semblant, à faire comme si, pour y croire quand même. Je sens, je sais, que c'est le moment où je n'ai. Le jour tourne au gris bleuté, l'heure. Les manèges arrêtés, ça me rappelle quelque chose. Le soir. Un amour qui commence à se faire. Affaire sensible aujourd'hui autour de la polémique qui elle-même a entouré les colonnes de Buren au Palais Royal à Paris. Nous allons en parler avec notre invitée Nathalie Hennick. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes sociologue spécialiste de l'art contemporain et que vous avez étudié les réactions autour de la construction de l'œuvre de Daniel Buren dans votre ouvrage intitulé « L'art contemporain exposé au rejet ». Cet ouvrage, justement, rassemble plusieurs articles consacrés à des œuvres contemporaines qui ont créé à chaque fois des polémiques. Et vous dites que l'art contemporain est un terrain naturel et peut-être idéal pour que se constituent ces affaires où il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, il y a du débat, il y a de la polémique. L'art contemporain, c'est l'une des fonctions de l'art contemporain, finalement. Enfin, c'est pas une fonction, mais c'est une conséquence. Voilà, c'est pas une fonction, c'est une caractéristique, mais qui est tout à fait frappante et qu'on voit très bien dans cette affaire-ci, à savoir qu'on a quelque chose qui se passe sur tous les plans. Donc, on a à la fois, évidemment, le plan artistique, esthétique, la question du goût, on a le plan juridique, on a le plan politique, on a le plan financier, on a une variété de dimensions qui sont absolument étonnantes et en plus sur même pas un an. Donc c'est vraiment la définition d'une affaire, c'est passionnant. Et on a ça sur d'autres cas. Pyramide du Louvre, Beaubourg. Pyramide du Louvre, le Pont Neuf de Christo qui venait d'être emballé un an auparavant, même pas, à l'automne 85, c'était tout neuf. Et puis toutes sortes d'autres affaires que j'ai étudiées et qui sont remarquables. Alors quand j'ai travaillé sur le Pont Neuf de Christo, c'était la première fois que je m'intéressais à l'art contemporain, c'était quand même formidable de voir un artiste américain débarquer entourant pendant 15 jours un pont parisien de tissu au titre d'une œuvre d'art. Bon. Alors évidemment, ça a suscité énormément de discussions, de débats, etc., etc. C'était passionnant à étudier. Et quand j'ai vu débarquer quelques mois plus tard l'affaire Buren, je me suis dit, il faut que je l'étudie aussi. Alors j'ai essayé de trouver des financements parce qu'une enquête, il faut de l'argent, il faut pouvoir interviewer des gens, etc. Bon, j'ai pas trouvé de financement sur le moment, donc j'ai renoncé. Mais ça m'a donné l'idée, quelques années plus tard, de demander au ministère de la Culture, un financement pour étudier de façon plus générale les rejets de l'art contemporain. Et c'est dans ce cadre-là que je suis revenue à l'affaire des colonnes de Buren, qui n'existait plus que sous forme d'archives. Et en plus, une partie des archives avait brûlé. Donc ça a été déjà très compliqué de récupérer aux archives du ministère une malle, deux malles, avec des tracts, des papiers, des documents, etc., qui m'ont permis donc d'avoir un minimum d'éléments pour faire le travail. Mais la plus belle archive dont j'ai disposé, ça a été probablement le cas le plus passionnant que j'ai eu à étudier, c'était ces fameuses palissades dont vous avez parlé. Oui, alors on va en parler. Voilà. Simplement, vous entendre parler quand on se replonge dans l'atmosphère de ces années-là, et c'était pareil pour la pyramide du Louvre, je répète, pareil pour Beaubourg que nous avons traité, c'est qu'au début, l'art contemporain peut diviser, et puis finalement, il finit par rassembler. Quel est ce phénomène qui fait qu'on divise au départ et qu'on rassemble après? C'est ce que devrait être la politique d'ailleurs. Ça a été bien mené, ça devrait être ça la politique. La volonté politique, c'est dire voilà, je vous impose ça, vous allez vous y faire, vous en découvrirez les vertus. C'est un peu ça l'art contemporain. C'est pas seulement l'art contemporain pour le coup, ce sont toujours des propositions qui sont dans l'espace public. Hein. Ce ne sont pas des œuvres d'art dans les musées. Bien sûr. Et donc du même coup, le fait qu'elles existent, qu'elles soient là, il y a une sorte de concrétude de la chose qui fait qu'on fait avec. De toute façon. Donc ça s'impose, je pense, par la réalité du fait que c'est fabriqué, que les gens s'y habituent. Et il y a une sorte de familiarisation qui fait que ce qui a été extrêmement polémique, peu à peu, entre dans le paysage collectif. Ça veut dire que c'est une politique de l'offre. C'est une politique de l'offre culturelle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous offre ça, c'est pas une demande, voilà. C'est-à-dire qu'on vous invite à vous intéresser à quelque chose auquel peut-être par réflexe vous ne vous seriez pas intéressé. Quoi. C'est vrai, c'est le propre de la commande publique. Hein. C'est l'État, pour le coup, qui commande quelque chose et qui la propose aux citoyens, parmi lesquels certains la rejettent, d'autres l'acceptent d'emblée, d'autres l'acceptent plus tard. Enfin, il y a toute une variété de réactions, mais c'est vraiment le rôle, disons, régalien de l'État de proposer des choses qui vont s'incarner, s'incruster même dans le paysage collectif. Alors, vous parliez des palissades, je vous avais coupé, donc on y revient aux palissades. Et puis après, on y reviendra aux palissades d'aujourd'hui avec le reportage. Donc vous avez étudié ces palissades et tout ce qui était écrit dessus. Alors c'est un vrai parchemin. Hein. C'est passionnant parce que, évidemment, le fait que le chantier ait été arrêté pour des raisons juridiques. Et d'ailleurs, entre parenthèses, cette affaire illustre remarquablement la force de la raison d'État et la force du droit. C'est-à-dire qu'elle s'est jouée d'emblée sur le plan juridique. Et ça, c'est passionnant de voir comment le droit, à la fois protège les citoyens, protège éventuellement les artistes, puisque finalement, Buren a eu gain de cause au nom du respect du droit moral de l'artiste. Hein. Donc voilà, il y a toute une bataille juridique dont je trouve qu'elle elle exemplifie remarquablement le fait que dans une société démocratique, même ceux qui exercent le pouvoir n'ont pas tout le pouvoir et sont bornés par la loi. Et ça, je trouve, c'est une remarquable affaire de ce point de vue-là, mais je ferme la parenthèse. Donc, le fait qu'il y ait eu, pour des raisons juridiques, interruption du chantier et donc nécessité d'avoir ces palissades pendant un temps assez long, a entraîné l'usage spontané hein, de ces palissades par les citoyens, par les passants, pour écrire, comme sur n'importe quelle palissade, mais vu qu'on était en pleine controverse, ils ont surtout écrit leurs opinions. Bon. Or, à l'époque, enfin, quelques années plus tard, lorsque je ferai cette enquête sur les rejets de l'art contemporain, je m'intéresserai surtout aux livres d'or d'exposition. Vous savez, les cahiers des visiteurs qui sont à l'entrée de l'exposition, où les gens disent « Ah, j'ai beaucoup aimé » ou « C'est nul », etc. Ah, bon. Et pour un sociologue, c'est un outil magnifique. Parce que c'est une expression spontanée d'opinion. Hein. C'est pas comme d'aller interroger des gens en leur disant « Qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Et puis, ils savent pas très bien quoi en penser parce qu'ils s'en fichent un peu. Tandis que là, si les gens écrivent sur les livres d'or, c'est que vraiment, ça les intéresse. Bon. Donc, j'ai utilisé ces livres d'or comme un vrai matériau sociologique, mais j'avais pas de livre d'or pour l'affaire Buren, puisque c'était pas une exposition dans un musée. Donc c'est les palissades. En revanche, les palissades ont joué ce rôle de livre d'or, c'est-à-dire à ciel ouvert, de façon spontanée, sur une paroi verticale, les gens ont pu écrire ce qu'ils voulaient. On va y revenir, si vous D'accord. voulez bien, parce que je voudrais que nous écoutions ensemble le reportage de Gellor von Wimmersch, le reporter d'Affaires Sensibles, qui s'est rendu dans la cour d'honneur, justement du Palais Royal, alors en compagnie de Patrick Bouchain, l'architecte des deux plateaux, Daniel Buren, et qu'on a entendu dans le récit cet homme, qui d'ailleurs raconte très très bien. Alors c'est une déambulation entre les colonnes de cette œuvre, qui fait aujourd'hui partie de l'espace public parisien, et que la population s'est appropriée, on l'a dit. On va écouter cette balade, et on en parle ensuite. Palais Royal, and behind me that's the Minister of Culture, and the artist who was commissioned to do these, his name is Daniel Buren, he's a conceptual artist. Un panneau, cour d'honneur du Palais Royal. Nous voilà face aux 260 colonnes de Buren, de toute taille, mais avec la même forme et le même motif, rayures blanches et noires, en marbre. Regardez cette plaque. C'est marqué, les deux plateaux travail in situ 1985-1986, Daniel Buren. Architecte, Patrick Bouchain, c'est vous ? Oui, c'est moi, voilà. Vous êtes architecte et scénographe. Et là, on vient d'entrer dans la cour d'honneur du Palais Royal, où se trouvent les colonnes de Buren. Cette cour était un parking dans lequel il y avait les voitures du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel et de la Comédie française. Et personne ne mesurait quand même l'insulte à la qualité architecturale de cet endroit. Et un jour, la reine du Danemark est venue à Paris et François Mitterrand a décidé que, pour des raisons protocolaires, qu'il a fallu vider cette place de ses voitures. Et après le départ de la reine, Jacques Lang me dit « Comment pourrait-on faire pour que les voitures ne reviennent pas ?» Et cette cour d'honneur qui était devenue un parking est redevenue, donc, je pense, une cour d'honneur par l'installation d'une très grande œuvre de Daniel Buren qui s'est lentement transformée peut-être en îlot urbain qui s'appelle donc « Les deux plateaux ». On va y aller justement, on va s'enfoncer un petit peu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une œuvre qui est là pour révéler l'architecture. Et quand vous voyez les gens se promener sur cette place, ils font ce que l'on vient de faire, se mettre au milieu, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne cessent de lever les yeux entre l'œuvre de Daniel Buren et l'architecture qui les environne. Donc c'est comme si cette œuvre était une œuvre qui permet de lire l'architecture. Elle l'aide à comprendre l'architecture. Daniel avait envie d'introduire une fontaine, mais qui, en général, les fontaines sont au centre de la place. Et là, c'est comme si on est tenté d'aller voir ces colonnes qui s'enfoncent, et à ce moment-là, on découvre l'eau qui, elle, suit cette pente. C'est en fin de compte une fontaine qui alimente en eau comme si elle retournait à la source. C'est aussi, à l'époque, insérer l'art contemporain dans le tissu urbain. En effet, celle-ci, elle est aussi importante parce qu'elle s'inscrit dans un monument historique et qu'ensuite, elle est au pied du ministère de la Culture. Donc, on pourrait dire que le ministre a assumé cette commande. Alors, bien sûr, on est en 85. Jacques Lang me demande de m'en occuper, je crois, le 13 juillet 1985, sachant que la gauche avait de grandes chances de perdre les élections en mars 86. Et je ne pose la première colonne que début janvier 86. Et là ? Et là, le drame. J'étais à Versailles, la secrétaire du ministre m'appelle en me disant « Le ministre veut vous voir avant le coucher du soleil, parce que tout le cabinet vient de voir la pose des premières colonnes, c'est insupportable, c'est trop agressif, il faut que vous assuriez un vieillissement artificiel de ces colonnes pour qu'elles s'intègrent. » Et je suis arrivé, et j'ai dit à Jacqueline « Écoutez, vous m'avez demandé de le faire très rapidement, pour moi, toutes les colonnes sont sur des camions, demain on va les poser, c'est comme si vous m'abattiez en plein vol. » Et il a donc désavoué tous ses conseillers en disant « Patrick a raison, on va jusqu'au bout. » C'est une œuvre d'un lieu solennel, mais qui prête au jeu. Tout le travail de Daniel est un travail quand même assez enjoué. Elle a quand même dépassé ce que nous pensions. Elle est devenue, en effet, comme vous le voyez, c'est impensable, mais c'est un peu comme la piazza devant le centre Pompidou. Il suffit qu'il y ait une toute petite pente et quelques cylindres pour qu'un professeur, vous voyez, se serve de cet endroit comme un petit forum. Il y en a qui sont debout, il y en a qui sont assis, il y en a qui sont assis par terre, alors qu'on ne s'asserrait pas par terre en ville, parce qu'à côté, quelqu'un peut s'asseoir sur le tambour. Oui, ils viennent de tous monter sur une colonne. C'est ça, là, les jeunes sont tous sur une colonne pour les photos. Oui, alors, non, mais ce qui est assez drôle, c'est comme si Daniel avait travaillé sur l'inverse de ce que sont les sculptures. Il n'a fait que le socle, et la sculpture, elle est humaine. Les gens se placent dessus. Donc, en effet, c'est cette idée du jeu, au sens de « je m'approprie l'œuvre » qui est en train de se faire. Et peut-être qu'en faisant rentrer ces matériaux à l'intérieur de cet espace historique, c'est comme si on avait fait rentrer l'espace public à l'intérieur d'un espace historique. On n'en a pas fait un bijou qui interdit son entrée, on en a fait un espace populaire sur lequel tout le monde s'est installé. Le Palais Royal, un bâtiment, on pourrait dire académique, peut devenir un bâtiment démocratique. Ce n'est pas l'artiste qui vient poser son œuvre, mais c'est l'artiste qui participe à l'œuvre collective qu'est l'espace public. C'est une œuvre d'art qui est faite pour le public, donc ne pas jouer avec, serait dommage. C'est une grande œuvre et je pense même que c'est un chef-d'œuvre. Nathalie et Nick, vous avez remarqué que ce que nous a dit Patrick Bouchain, il l'avait déjà un peu dit dans le récit, on l'a dit aussi dans le récit, mais cela montre l'empreinte du temps. Hein. Et l'empreinte, elle est positive, parce que là encore, le temps valide l'idée. Qu'est-ce que vous avez entendu suscite par ailleurs comme réflexion chez vous ? Le temps et l'usage, puisqu'on a un espace qui est relativement libre, dégagé des voitures, protégé, exactement, Patrick Bouchain l'a dit, comme la Piazza de Beaubourg. Or, dès lors qu'on a ce type d'espace dans une ville, forcément, il est investi par les gens. Alors là, il est investi en plus de façon ludique parce que les colonnes permettent des mouvements qu'on ne peut pas faire, par exemple, sur la Piazza de Beaubourg. Mais voilà, c'est pas seulement le temps. Hein, c'est aussi tout simplement l'effet urbain de la création d'un espace pour les passants à l'intérieur d'une ville. Bon. Alors, Bouchain a dit une chose aussi très intéressante, c'est la dimension du jeu, la dimension ludique qui fait absolument partie de l'art contemporain. Bon, l'art contemporain est un jeu avec les limites, un jeu avec les frontières, notamment les frontières de l'art. Bon, on le voit magnifiquement dans cette pièce, hein, qui est à la fois un jeu avec ce que est ou doit être une œuvre d'art, et un jeu ludique avec ce qui va permettre aux gens de s'en emparer, de regarder autrement. Et puis, ce qu'on voit aussi très très bien, c'est que une telle œuvre ne peut pas être considérée comme une œuvre d'art par tous les gens qui raisonnent à partir de l'art classique ou de l'art moderne, dans lesquels l'œuvre d'art, c'est l'objet proposé par l'artiste. Parce que des colonnes rayées 8,7 de 8,7 cm de largeur systématique, comme disent la plupart des gens, enfin beaucoup de gens, n'importe qui pourrait en faire autant. Donc les gens qui ont cette idée de l'art ne peuvent tout simplement pas comprendre ce qu'il y a à voir dans cette œuvre. Or, pour comprendre, il faut se mettre dans le type d'art que revendique Daniel Buren, à savoir cet art contemporain où ce qui fait œuvre d'art, ça n'est pas l'objet proposé par l'artiste, ce ne sont pas les colonnes rayées, c'est la reconfiguration de l'espace que permettent ces bandes rayées. Et Bouchain le dit en disant, vous voyez, les gens regardent la colonnade, ils regardent autour d'eux. Et en effet, le travail de Buren, comme beaucoup d'œuvres en art contemporain, ne consiste pas dans un objet, mais dans la conséquence que cet objet peut avoir sur l'environnement, le contexte, les gens, avec les récits, les discours, etc., et les déambulations. Et là, on voit bien que c'est un programme typique de l'art contemporain, mais que ne peuvent pas accepter ni comprendre des gens qui ont en tête le programme de l'art moderne ou de l'art classique, d'où la polémique. Est-ce que pour autant, vous êtes d'accord avec Patrick Bouchain quand il dit que c'est un chef-d'œuvre ? Alors moi je ne suis pas critique d'art, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Bah si, disons si, que en, c'est en tant que disons que c'est une œuvre qui a en tant que Madame Hennig, qui pouvez... a qui ah oui bon bah en tant que personne je suis partagée, c'est-à-dire qu'à la fois je trouve que c'est un travail remarquablement inventif et ludique. Je suis un tout petit peu partagée sur le l'aspect final parce que je regrette l'asphalte justement qui n'était pas prévu au début. D'ailleurs, comme par hasard, les cartes postales qui représentent les deux plateaux les montrent presque toujours partant de pluie, lorsque le revêtement brille et avec des reflets, etc. Parce que ce revêtement, je le trouve un petit peu terne par rapport au marbre des colonnes et par rapport aux pierres de la colonnade. Voilà, c'est simplement sur l'effet visuel final, je suis un tout petit peu déçue. Mais sinon, sur l'invention de la chose, elle est tout à fait intéressante, c'est clair. Est-ce que vous savez, est-ce qu'on sait, vous avez le droit de ne pas savoir, je me mets à l'aise, parce que c'est pas une colle, quelle est la perception des colonnes de Buren, notamment par les touristes, à la fois les touristes parisiens, français, étrangers, par rapport à d'autres bâtiments parisiens? Est-ce que les colonnes constituent un lieu d'attraction et d'adhésion? Alors, je ne le sais pas parce que je n'ai pas enquêté là-dessus. Mmh. Moi, je suis sociologue, donc je ne sais que lorsque enquêté ou lu des enquêtes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce qui s'est passé au moment de cette fameuse controverse dans la tête des gens qui défendaient ou attaquaient cette proposition. Ce qui m'intéresse, moi, dans ce type d'œuvre, dans ce type d'affaires, dans ce type de scandale éventuellement, ce sont des révélateurs de valeurs, de ces valeurs que nous partageons tous, mais que nous mettons en œuvre très inégalement selon les objets et selon les contextes. Donc, nous partageons tous le goût de la beauté, de l'authenticité, de l'ancienneté, de la rareté, mais nous ne le mettons pas en œuvre forcément avec les mêmes objets. Et donc, cette affaire des colonnes de Buren a été un révélateur de ces différences de valeurs hein, entre ceux qui défendaient et ceux qui protestaient. Et ceux qui protestaient, ben, on a pour ça ce magnifique livre d'or à ciel ouvert que sont les palissades, qu'un de mes confrères universitaires avait eu la bonne idée de faire d'abord entreposer dans les locaux du FRAC, je crois, et de faire étudier par ses étudiants. Et donc j'ai eu, en 93-94, quand j'ai fait mon enquête sur les rejets de l'art contemporain, j'ai eu accès au relevé de ces graffitis, donc j'avais des pages entières de relevés avec des photos. Et qu'est-ce qui vous a frappé le plus, là, notamment? D'abord, c'était le nombre, et donc du coup, la possibilité de faire des statistiques, qui pour un sociologue est une merveille. Et donc, ça m'a permis de faire des grandes familles de valeurs défendues par ceux qui attaquaient cette œuvre. Alors, ce qui est frappant, d'abord, c'est l'intensité des réactions, c'est le caractère souvent très violent, voire obscène, parfois même antisémite, hein, oui, de certaines réactions, mais aussi toute une variété d'arguments extrêmement riches, c'est-à-dire qu'il y a une imagination idéologique des gens, hein. Ils étaient capables d'abord d'avoir des réactions très très variées et puis de donner des formulations très frappantes. Alors j'ai plus tout en tête, vous en avez donné quelques-unes. Oui, qui étaient un peu fleuries. Hein. Qui étaient très fleuries, mais d'autres sont beaucoup plus modérées, disons. Mais en tout cas, ce qui était très intéressant, c'était de voir que ça n'était pas forcément la question esthétique qui était centrale, c'était la question de l'authenticité, la question patrimoniale. C'est-à-dire que ce qui a été le principal motif de protestation, c'est le fait que cette œuvre allait dénaturer l'aspect d'un monument historique du XVIIe siècle, puisque ce ne serait pas en harmonie avec les fameuses colonnades. On avait bien connu ce débat, avec encore plus d'acuité, je crois, avec la pyramide du Louvre, où là, il y avait vraiment un conflit entre une forme... Non, pas une forme moderne, parce que les pyramides, c'est pas moderne, hein, c'est l'Antiquité. Mais un matériau. Mais une matière, un Absolument, matériau très moderne. Et puis cette cour du Louvre, ce bâtiment du Louvre, qui lui est très, très typique. Donc en fait, ce sont, disons, deux conceptions de l'authenticité. Hein, ceux qui pensent que l'authenticité, c'est de garder les mêmes types de matériaux, les mêmes types de formes, etc., pour ne pas qu'il y ait de contraste ou de dissonance. Et ceux qui pensent qu'une dissonance peut être parfaitement intégrée dans un environnement à condition qu'elle soit de qualité, évidemment. Bon, ce qui est le cas de la pyramide de Pei, par exemple. Oui, mais pourtant, les colonnes, l'objet colonne et la signification historique, ça traverse 2000 ans d'histoire, oui, plus encore. Sauf que ça n'était pas présenté comme une architecture, ça a été présenté une œuvre d'art. Et donc, les gens avaient en tête la forme œuvre d'art, c'est-à-dire une sculpture représentant une personne ou éventuellement abstraite montée sur un socle. Et là, on avait quelque chose qui n'avait rien à voir, qui était vraiment complètement hors des cadres habituels. Donc la question de l'authenticité via le patrimoine a été un élément fondamental. Et d'ailleurs, ce sont les associations de défense du patrimoine qui ont pris la tête de la bronca, de l'opposition à l'œuvre. Et puis venaient également des questions esthétiques avec l'idée « ça n'est pas de l'art, ça n'est pas beau », bon, ça c'est classique. Des questions aussi civiques avec l'idée qu'on n'a pas à dépenser l'argent public, le produit des impôts, pour une œuvre qui ne fait pas l'unanimité, qui n'est pas intéressante, ou bien argent qu'il faudrait utiliser pour des quartiers défavorisés, voilà. Hein, des arguments parfaitement recevables, au sens où c'est une préoccupation civique qui est tout à fait légitime. Bon, simplement, on peut trouver que dans ce cas-là, elle n'est pas forcément à sa place. Enfin, tout dépend de la position qu'on a par rapport à cette proposition. Alors, des préoccupations civiques, on arrive aux préoccupations politiques rapidement, parce qu'il ne nous reste que 35 secondes. Votre regard sur la bataille politique et des hommes politiques Elle était merveilleusement emblématique de ces années 80, divisée entre une droite qui était encore dans le fait de ne pas avoir digéré une défaite historique, une gauche qui apprenait à gouverner. Hein. Et là, on voit bien comment Jacques Lang expérimente un coup de force quand même, contre... Ça s'appelle la volonté politique. La volonté politique, voilà. Et donc, c'est tout à fait passionnant, rétrospectivement, de voir un affrontement aussi brutal et aussi frontal entre la droite et la gauche. Et sur... l'art, dont on montre la position importante dans la société. Tout à fait. Voilà, il me reste à vous remercier, Nathalie Hennick, pour vos éclairages. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui les colonnes de Buren, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le cas Oufkir, le fidèle devenu félon d'Hassan II du Maroc.